tant besoin de toi, de tes grands cieux pleins de rêves, de tes baisers pleins de fièvre, qu'un seul jour loin de toi je ne suis plus moi-même, car loin de toi il n'est plus rien. Un seul jour, loin de toi.